le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Qui est apparu le premier, l'œuf ou la poule? La question est compliquée, mais il y a plus ardu. Qui a fait le livre? L'auteur, l'éditeur, l'imprimeur, pourquoi pas le relieur, le libraire ou le bibliothécaire? Ah ben, sans auteur, il n'y a pas de livre. Sinon, des livres blancs. Bon, parfois, c'est bien aussi. L'éditeur, bien sûr, mais l'éditeur a besoin d'un auteur et d'un imprimeur et d'un libraire. Parce que l'imprimeur sans éditeur n'a rien à imprimer. Mais sans être diffusé, vendu, les livres n'est rien non plus. Les libraires sont essentiels. Mais que serait-il sans les auteurs, les éditeurs et les libraires? Et le lecteur d'ailleurs? Bah, les éditeurs, les imprimeurs et les libraires savent bien qu'il existe des livres qui ne rencontrent jamais leurs lecteurs. En fait, il n'y a pas de réponse à cette question. Qui a fait le livre? Car c'est une chaîne, la chaîne du livre. Dans le prologue de son film « Faisons un rêve » en 1936, Sacha Guitry fait intervenir un drôle de personnage pour une réplique. C'est un auteur reconnu, une sorte d'académicien à qui l'on demande « Alors maître, votre dernier livre se vend-il bien ?» La réponse est magique. « Ah oui, il se vend bien. Je ne sais pas si on l'achète, mais il se vend. » Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une histoire du livre, des émissions à écouter et podcaster pour la balado-diffusion en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France, une aventure qui nous fait voyager depuis les tablettes et les papyrus de l'Antiquité jusqu'aux librairies d'aujourd'hui. C'est justement la question que nous nous posons, mais quand a été inventée la librairie? Avec nous, Loïc Artiaga, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes maître de conférence en histoire culturelle à l'Université de Limoges, auteur d'un ouvrage intitulé « Le roman populaire 1836-1960, les premiers feuilletons, des premiers feuilletons aux adaptations télévisuelles ». C'est intéressant de dire ça, des premiers feuilletons. Il faut rappeler que nos ancêtres, ceux du 19e siècle, suivaient avec assiduité des feuilletons. Nous avons peine à imaginer l'ampleur de cet objet culturel qu'est le feuilleton, le roman populaire. Les chiffres sont saisissants. Oui, les chiffres sont saisissants et puis ils augmentent à mesure que le 19e siècle avance. Alors souvent, quand on parle du roman populaire, on focalise plutôt sur une période qui est celle de la Belle Époque, celle de l'ère des 100 000 exemplaires pour un même ouvrage. Et puis les choses se compliquent un peu quand on va en arrière. Parce qu'on parle de romans populaires, mais les chiffres de diffusion sont sans doute un peu moindres. Les collections populaires du milieu du 19e sont plutôt autour de 10, 20 000 exemplaires. Donc c'est plutôt un régime médiatique, en fait, qui apparaît au début du 19e siècle, avant même que les masses s'emparent de ces nouvelles fictions. Et puis, en écho à ces chiffres, il y a leur impact émotionnel, mémoriel, hein, avec des romans. Il y a Fantomas, vous êtes spécialiste, Loïc Artiaga, de Fantomas. Et c'est à travers tous ces romans que nous allons voyager aujourd'hui. Mais avec toujours cette question, mais quand a été inventée la librairie? Et pour nous en parler, Patricia Sorel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, enseignante-chercheuse associée au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, c'est à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Dites-nous, à quel moment apparaît la librairie? À quel moment il y a eu des commerces spécialisés dans le livre, où la personne vendait des livres et uniquement des livres? Alors en fait, c'est très ancien puisque les premiers libraires apparaissent bien avant l'invention de l'imprimerie. Les libraires font leur apparition en effet au temps du livre manuscrit, au début du XIIIe siècle, puisque c'est à cette période que naissent les universités. Et donc la naissance des universités va engendrer un véritable commerce du livre. Et c'est ainsi que les premiers libraires donc s'installent auprès d'universités pour fournir aux maîtres, aux étudiants, les manuscrits nécessaires aux études. Patricia Sorel, vous avez co-dirigé une histoire de la librairie française, publiée par le Cercle de la librairie. Vous êtes aussi l'auteur, beaucoup plus récemment, de Napoléon et le livre, La censure sous le consulat et l'empire, donc 1799-1815. Mais vous avez un regard qui porte sur le temps long et vous nous évoquez ce 13e siècle. Effectivement, nous sommes à un moment où, à côté des centres de savoir que sont les universités, se développent donc des commerces. Nous sommes sur des commerces fixes, des commerces ambulants. Nous avons toujours cette image un peu du bouquiniste à Paris qui ouvre sa caisse avec des livres. On est dans un aspect un peu semblable. Oui, alors les commerces ambulants apparaissent plus tard, hein. Donc les premiers libraires, ce sont, comme je l'ai dit, hein, des librairies fixes, qui donc, alors si on prend l'exemple de Paris, hein, qui se sont installés tout autour de la Sorbonne. Hein. Alors un peu plus tard, quelques libraires se sont installés, eux, en face du Parvis Notre-Dame. Mais donc les libraires ambulants apparaissent plus tard, hein, à la fois dans les villes et dans les campagnes. Et là, on est au temps du livre imprimé. Voilà, la révolution évidente est l'invention de l'imprimerie qui transforme complètement l'économie du livre au XVe siècle. Et justement, le livre imprimé se développe, le commerce aussi se développe autour du livre. Il y a, autour de cette idée de librairie, toute une réflexion à avoir entre celui qui imprime, celui qui édite, qui fabrique le livre, et puis celui qui le vend. Comment se conçoit ce que nous connaissons aujourd'hui, hein, une vraie séparation des métiers, au temps des livres imprimés, 16e, 17e, 18e siècle? Alors effectivement, hein, tous ces métiers sont très proches, hein, donc à l'époque, on peut être à la fois imprimeur et libraire, hein, imprimeur, libraire, éditeur, ou bien libraire, éditeur, ou bien imprimeur, libraire, éditeur et relieur. Donc tous ces métiers du livre, hein, sont très proches. Le métier d'éditeur en tant que tel n'existe pas encore, hein. Le métier d'éditeur prendra son autonomie au 19e siècle, donc beaucoup plus tard. Et donc c'est sous l'Ancien Régime, ces professionnels du livre, notamment donc les imprimeurs et les libraires, vont en fait se regrouper en corporations. Donc des corporations qui apparaissent, alors la première apparaît à Rouen à la fin du XVIe siècle, et puis les autres vont se former au début du XVIIe siècle. Et donc ces corporations vont se doter de statuts qui encadrent les conditions d'exercice de la librairie et de l'imprimerie. Voilà, nous avons un système de corporations. La Révolution française met à terre ces corporations. Justement, là encore, nous avons un autre moment essentiel dans l'histoire de la librairie qui est cette liberté complète de la vente des livres. Oui, tout à fait, puisque alors la Révolution fait voler en éclats ce système, ce carcan qui pesait sur le monde du livre sous l'Ancien Régime. Puisque, comme je l'ai dit, sous l'Ancien Régime, hein, pour devenir imprimeur ou pour devenir libraire, il faut suivre tout un cursus, hein, il faut d'abord avoir été apprenti, puis compagnon, puis passer l'examen à la maîtrise. Alors il y a également la censure, hein, qui est très présente sous l'Ancien Régime. Et donc effectivement, la Révolution fait voler en éclats ce système. Puisque tout d'abord, eh bien, la Révolution proclame la liberté de la presse, hein, la censure est abolie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamée le 26 août 1789. Et autre loi importante, c'est la loi d'Allard, qui date du 2 mars 1791, qui, elle, instaure la liberté du commerce en supprimant les corporations de métiers. Ce qui signifie que, eh bien, désormais, n'importe qui peut s'établir comme libraire ou comme imprimeur. Et cela va avoir pour conséquence, eh bien, l'ouverture de librairies dans tout le pays. Hein. On voit donc des individus qui se lancent dans le commerce du livre sans forcément avoir de compétences ni d'expérience. Et puis la date à retenir dans cette histoire de la librairie est 1810. Patricia Sorel, vous êtes l'auteur de Napoléon et le livre, La censure sous le consulat et l'Empire. Eh bien justement, sous l'Empire de Napoléon, 1810 est une date essentielle dans l'histoire de la librairie. Ah, tout à fait, oui, puisque alors ce décret du 5 février 1810 a été voulu par Napoléon Ier, et ce décret comprend plusieurs mesures. Alors c'est un décret donc qui réglemente, hein, l'imprimerie à la librairie. Alors ce décret déjà rétablit la censure préalable. Des censeurs impériaux sont nommés et ces censeurs vont examiner chaque année plusieurs centaines de manuscrits. Alors censure préalable, puisque c'est donc une censure avant publication. Et ce sont les imprimeurs et les libraires qui sont jugés responsables des ouvrages qu'ils imprimeront ou qu'ils mettront en vente. Alors ça, c'est une première mesure du décret du 5 février 1810. Autre mesure importante, c'est que ce décret instaure des quotas, alors pour les imprimeurs seulement, pas pour les libraires. Et en effet, donc le nombre d'imprimeurs va désormais être limité à Paris et dans chaque ville du département. Par exemple, à Paris, eh bien le nombre d'imprimeurs était réduit à 80. Hein. C'est-à-dire que si on voulait s'installer comme imprimeur, bah, déjà il fallait attendre qu'une place se libère, soit par démission, soit suite au décès du titulaire. Et la troisième mesure, alors peut-être la plus importante, c'est que l'exercice des professions d'imprimeur et de libraire va de nouveau être encadré strictement, puisque désormais, pour pouvoir exercer la librairie ou l'imprimerie, il faudra demander et obtenir un brevet. Et ces brevets sont délivrés par un directeur général de la librairie. C'est un poste qui a été créé également par le décret de février 1810. Directeur de la librairie qui est placé sous les ordres du ministre de l'Intérieur, hein, et donc c'est lui donc qui prend la décision de délivrer ou non les brevets aux candidats. Voilà, dans notre réflexion sur l'autonomisation du métier de libraire qui se sépare du métier de l'éditeur, le décret de Napoléon en 1810 est essentiel. Il y a des imprimeurs, il y a des libraires. Alors, c'est possible, hein, de faire l'un et l'autre, mais dans les deux cas, il faut avoir un brevet, une autorisation. Loïc Artiaga, c'est dans cet univers-là que portent vos recherches sur le roman populaire. Hein. Vous avez dirigé l'ouvrage Le roman populaire 1836 jusqu'à 1960. Dans quel monde se met en place ce roman populaire? Comment se construit le roman populaire? Nous imaginons facilement un livre imprimé, vendu. En fait, il y a plusieurs formes pour diffuser ses écrits. Oui, je crois qu'il faut se débarrasser de la représentation contemporaine, la nôtre, qui est celle du volume, et imaginer en fait que ces fictions populaires, elles naissent sous des formats différents, qui vont être très divers d'ailleurs tout au long du 19e siècle, à commencer par le feuilleton, au rez-de-chaussée des périodiques, dans la presse, dans le siècle, dans les années 1830, c'est là vraiment que se crée un nouvel espace pour la fiction, et on pourrait dire une nouvelle place finalement pour la fiction dans la vie des contemporains du 19e siècle. C'est l'irruption d'autres formes de récits qui naissent au rez-de-chaussée de ces journaux. Alors, rez-de-chaussée, c'est le bas, hein, le bas des pages des journaux. C'est ça. C'est le bas des pages. Et ça devient des produits d'appel, l'idée étant de faire en sorte que les abonnés se réabonnent pour avoir la suite du feuilleton. Eh bien justement, Loïc Artiaga, ces romans, alors ils sont très connus, hein, il y a Les Mystères de Paris, entre autres, on va en trouver plein, mais même des grands romans de la littérature, Madame Bovary par exemple, est publié sous forme de feuilleton avant d'être publié sous forme de roman. Se développe dès les années 1830, 40, 50. Nous associons souvent aux lois scolaires de la fin du 19e siècle le fait que la population sache lire et donc se porte vers des ouvrages. En fait, il y avait déjà un attrait, donc nous sommes déjà au 19e siècle avec ce succès des romans populaires sur une population curieuse de lecture. Alors, elle est curieuse de lecture et en même temps, elle ne lit pas tout à fait comme nous. On a affaire à des lectures collectives dans certains cercles ouvriers, puisque tout le monde ne sait pas lire, donc on partage la compétence. On voit aussi des adaptations théâtrales extrêmement rapides qui permettent aussi à un public qui ne sait pas lire de s'approprier les œuvres. Donc, même si elles ont des tirages assez limités, je les évoquais tout à l'heure, pour la presse, pour le siècle, qui sont les grands journaux, il faut imaginer des tirages qui oscillent entre 20 000 et 30 000 exemplaires, donc c'est pas beaucoup finalement. Mais assez vite, on trouve des moyens pour étendre la circulation de ces fictions, c'est leur nature même en fait, hein. C'est gagner un public le plus large possible, et ça se fait à la fois par des systèmes de mise en collectif du récit, par des adaptations, et puis aussi par l'invention de formes nouvelles d'accès à ces fictions, puisque quand elles sont en volume, on peut les louer dans des cabinets de lecture. Autrement dit, même quand on n'a pas les moyens de s'acheter le volume final, on peut s'acheter une petite dose de littérature et se l'infuser avant que le volume passe dans d'autres mains. Voilà, une économie du livre complexe au XIXe siècle, ou de la presse, avec le feuilleton à l'ouvrage jusqu'au théâtre, le livre est partout. On dirait c'est le cas aujourd'hui encore. Je vous propose d'écouter ce que disait le romancier Alphonse Karr, donc vraiment figure du XIXe siècle, il est mort en 1890, ce qu'il disait à propos des bouquinistes parisiens. Il en parlait dans les années 1830, hein, c'est dans le nouveau tableau de Paris au XIXe siècle, et c'est une lecture de Daniel Königsberg. Qui de nous n'a secoué les livres poudreux étalés en toute saison sur les parapets de la Seine, depuis le quai d'Orsay jusqu'au pont Notre-Dame? Qui n'a passé de longues heures à fouiller tous les trésors de ces magasins nomades, à interroger d'une main indiscrète les vivants et les morts qui dorment dans la poussière de ces casiers? Là se pressent côte à côte les anciens favoris des dieux et les malheureuses victimes d'une muse inféconde, les gloires de tous les siècles et les héros du jour, les immortels et les morts-nés. Là s'entassent les réputations usurpées, les vanités précoces, les présomptueuses médiocrités et les grandeurs déchues. Alphonse Karr, qui dans les années 1830 évoquait les bouquinistes avec un écho à notre monde d'aujourd'hui, ces bouquinistes où s'entassent les réputations usurpées, les vanités précoces et présomptueuses. Patricia Sorel, conduisez-nous dans ce monde des libraires, des vendeurs de livres au 19e siècle. Alors, où peut-on acheter des livres? Donc là, Alphonse Karr évoque les bouquinistes. Ce n'est qu'un cas particulier, tout ce qui est bouquiniste et étalage. Ah oui, tout à fait. Donc on peut acheter le livre hein, dans de nombreux lieux hein, ou auprès de nombreux individus sous l'ancien régime, au 19e siècle, pardon, mais également sous l'ancien régime d'ailleurs. Alors il y a les colporteurs, hein, donc les colporteurs qui parcourent les campagnes hein, notamment, mais on en trouve également dans les villes. Hein. Il y a également, on peut également acheter des livres auprès de petits marchands sédentaires de toutes sortes. Hein, des merciers, quincaillers, épiciers qui, en plus de leurs marchandises principales, ont un petit rayon de livres, hein, alors qui se réduit le plus souvent à quelques almanachs ou à quelques livres de prière. Alors, sinon, donc, effectivement, on a aussi les bouquinistes, les étalagistes dans les villes. Et à Paris, puisque là Alphonse Karr parlait des étalagistes parisiens, eh bien sous le Premier Empire, les bouquinistes se répandent sur les quais nouvellement bâtis. Et alors c'est beaucoup plus tard, sous le Second Empire, qu'ils reçoivent l'autorisation d'exercice. En effet, en 1859, les bouquinistes deviennent concessionnaires de la ville de Paris, qui les autorise à installer leurs boîtes à des endroits fixes sur les parapets. Et un peu plus tard, à la fin du siècle, ils obtiendront l'autorisation de laisser sur place leur boîte, hein, ce qui leur permet de ne pas remballer chaque soir leurs marchandises. Hein. Et donc, depuis cette époque d'ailleurs, hein, alors les boîtes doivent avoir une taille réglementaire et elles ont conservé la même couleur, hein, cette fameuse couleur vert wagon. Alors, sinon, Loïc les évoquait tout à l'heure, on peut également s'approvisionner en livres dans les cabinets de lecture. Alors les cabinets de lecture qui sont des lieux qui pratiquent la location. Hein. Donc on peut emprunter des livres ou lire des journaux sur place. Et ces cabinets de lecture ont connu un grand succès au 19e siècle parce que eh bien le livre coûte cher. Et donc les cabinets de lecture permettaient donc d'avoir accès aux livres pour un prix relativement modique, hein, puisque l'abonnement n'était pas très élevé. Et puis les progrès techniques aussi ont une influence. Alors le progrès technique, de manière extrêmement logique, permet de diffuser plus de livres avec du papier plus abordable, l'encre, l'impression. Et puis il y a notamment les gares, les librairies, bibliothèques de gare qui se développent aussi, donc évidemment dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et d'ailleurs, cet exemple est intéressant pour nous faire comprendre combien la notion d'éditeur lecteurs est reliée à celle de libraire. Patricia Sorel, c'est vrai que nous connaissons aujourd'hui toujours dans les gares les relais H, H, Hachette, Hachette qui est éditeur et qui est libraire. Et quand nous regardons tous ces vieux livres que nous croisons parfois comme ça, quand nous pouvions aller dans les vide-greniers, c'était la librairie Hachette, la librairie Fayard. Donc il y avait tout un jeu comme ça entre la conception du livre et la vente du livre. Tout à fait, hein, encore une fois, donc le métier d'éditeur, hein, ne prend son autonomie qu'au 19e siècle, et beaucoup d'éditeurs d'ailleurs sont aussi libraires, hein, donc c'est le cas de Hachette, vous l'avez cité, mais on pourrait également citer d'autres grands éditeurs, hein, tels que Flammarion. Flammarion qui d'ailleurs était le plus gros libraire de Paris à la fin du 19e siècle, hein, puisque Flammarion possédait une grande librairie sous les arcades de l'Odéon et quatre autres succursales. Hein. Bon, on pourrait également citer d'autres éditeurs, hein, Plon également, qui avait une librairie. Donc, effectivement, donc, hein, le lien est très étroit entre donc la librairie et l'édition. Et en ce qui concerne la librairie, d'ailleurs, hein, les librairies les plus importantes sont d'ailleurs d'abord des maisons d'édition. Si on sort de Paris, on pourrait citer la librairie Levrault à Strasbourg, hein, qui est à la fois donc libraire éditeur, Matour ou encore Privat à Toulouse. Voilà des librairies que l'on retrouve un petit peu partout. C'est vrai en France, hein, il y a l'exemple parisien qui fascine toujours, mais nous connaissons ces grandes librairies dans toutes ces villes de France, que ce soit Mola, que ce soit le Furet du Nord. Il y a des grandes institutions qui se mettent en place. Et quand il est question du roman populaire, Loïc Artiaga, où les gens pouvaient-ils acheter ce type d'ouvrage une fois qu'ils avaient quitté le rez-de-chaussée du journal, c'est-à-dire les bas de page? Bon, il y a à peu près 4000 librairies en France dans les années 1860. Il y a les kiosques de gare qui s'installent. Et puis, il y a aussi tout un circuit au milieu du 19e siècle qui permet d'encadrer les lectures. Parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, mais ces progrès de l'alphabétisation, évidemment, font peur aux élites, à commencer par les élites catholiques, qui créent des bibliothèques pour le peuple. Dès les années 1840, ils seront suivis par des sociétés plus progressistes dans les années 1860 qui créent de nouveaux espaces qu'on va appeler bibliothèques populaires, qui permettent de régler une partie de la diffusion de ces ouvrages. Alors évidemment, on les sélectionne, ce ne sont pas tous les romans populaires, et puis on fait en sorte que le bon ouvrage aille entre les bonnes mains. Autrement dit, si vous êtes un homme, vous aurez droit à tel ouvrage, un enfant à tel autre, une femme à encore une autre collection. Donc il y a une volonté finalement de faire en sorte que le bon livre arrive entre les mains du bon lecteur. Voilà, parce que c'est un vrai métier, celui de libraire, avec une vraie réflexion, et c'est quelque chose de constant qu'on le retrouve au 19e siècle. Patricia Sorel, vous nous l'avez dit, un quincailler, un mercier pouvait vendre un livre, il n'y connaissait pas particulièrement grand-chose, il y avait de la vente, et le métier s'autonomise, arrive ce spécialiste de la vente du livre, arrive notamment la vendeuse de bouquins. La vendeuse de bouquins, c'est le titre d'une chanson du film Jeanne et le garçon formidable, un film d'Olivier Ducastel et de Jacques Martineau. Allez, on rentre dans la librairie. Moi je vis parmi les bouquins et je les vends à tout le monde, aux châtains, aux bruns, aux rouquins, aux filles brunes, aux femmes blondes, aux hommes des romans d'amour, aux femmes des nouvelles tristes, aux enfants des livres des mots, où les magiciennes existent. Je vends des fictions, des rêves, diffuse je ne crois pas qu'il pourra lui plaire. Et pourquoi pas cet autre-là? Ça se passe au bord de la mer. Vous l'avez lu. Évidemment, ça lui plaira. C'est assuré. Il suffit de voir son amour venant de vous, il est parfait. Mais comment pouvez-vous le dire? Je vous ai regardé sourire. Mais oui, nous le prenons. C'était la vendeuse de bouquins dans le sublime film Jeanne et le garçon formidable. C'était aussi dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Clément Daté, le cours de l'histoire qui s'intéresse à l'invention de la librairie. Patricia Sorel, nous avons bien vu avec tout ce que vous nous avez expliqué que ce métier de libraire peut prendre plusieurs sens durant tout le 19e siècle qui se mêle à celui d'éditeur. Les livres se vendent un peu partout. Il y a une réglementation malgré tout très forte, il y a une surveillance du pouvoir, parce qu'il ne faut pas vendre n'importe quoi. Mais à partir de quel moment, vraiment fin du 19e siècle, le métier de libraire est reconnu comme tel? Alors effectivement, hein, j'ai parlé tout à l'heure donc du brevet qui est mis en place en 1810 par Napoléon Ier, et ce système du brevet, ce régime du brevet va perdurer bien au-delà de la chute du Premier Empire, puisqu'il ne sera aboli qu'en 1870. Et donc en fait, de 1810 à 1870, eh bien pour pouvoir obtenir un brevet, il faut avant tout prouver sa bonne moralité et aussi certifier voilà qu'on soutient le régime et donc du coup le choix est politique ce qui importe au pouvoir, ce n'est pas d'avoir des professionnels compétents mais avant tout des individus attachés au régime et de bonne moralité. Et donc ce système donc du brevet est aboli quelques jours seulement après la proclamation de la Troisième République, le 10 septembre 1870. Et désormais, eh bien, n'importe qui peut exercer la profession de libraire et d'imprimeur. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est quelques années plus tard. Alors, en fait, à la fin du XIXe siècle, il y a une crise qui touche l'ensemble du secteur du livre. Et c'est cette crise, eh bien, qui conduit les libraires à se rassembler. Et désormais, la naissance des syndicats a été rendue possible par la loi de Waldeck-Rousseau, qui est votée en 1884, et donc loi qui autorise la formation de syndicats professionnels. Et donc cette loi donc va permettre aux libraires de se regrouper alors en syndicats régionaux en fait plus précisément. Alors celui qui a été à l'initiative de la naissance du syndicat des libraires, c'est un libraire lyonnais qui s'appelait Antoine Roux et qui en octobre 1891 envoie à tous les libraires de France une circulaire qui appelle à la création d'un syndicat. Et Antoine Roux, dans cette circulaire, invite ses confrères à faire connaître leurs préférences entre un syndicat national unique ou des syndicats régionaux qui seraient unis dans une fédération nationale. Et ce sont plus de 800 libraires qui lui répondent en se prononçant presque à l'unanimité pour une organisation régionale. Et ce sont donc des syndicats régionaux qui vont être créés. Alors le premier, il est créé à Lyon en janvier 1892. Et quelques semaines plus tard, en avril 1892, eh bien, ce sont 14 délégués de syndicats régionaux déjà constitués ou en formation qui se retrouvent à Paris, se réunissent à Paris dans un congrès. Et ils adoptent donc les statuts de ce syndicat des libraires qui a pour nom Chambre syndicale des libraires de France. Voilà, et nous avons donc une chambre syndicale des libraires de France en 1892, et le cocktail est formidable dans ces années 1890 pour vous, Loïc Artiaga, parce que il y a les lois scolaires de Jules Ferry qui permettent à une large population d'être éduquée, d'avoir accès à la lecture. Il y a les progrès techniques, l'économie du livre, les livres sont plus accessibles, et puis il y a cette chambre syndicale des librairies de France, le cocktail magnifique pour le succès du roman populaire. Oui, c'est vraiment l'achèvement de la réforme de l'instruction universelle qui crée les conditions pour un lectorat cette fois-ci élargi et beaucoup plus direct. Alors, il est différent évidemment en fonction de l'endroit où on se trouve en France. Il est aussi différent en fonction de l'endroit où on se trouve en Europe, puisque quand on parle du roman populaire, on parle aussi de supports qui se jouent assez vite des frontières, qui sont traduits, et on a des taux d'alphabétisation qui sont variables. Dans les années 1870, c'est à peu près 30% en Italie, en Espagne, c'est presque 70% en France, c'est 80% un petit peu plus au nord en Europe, et donc on a un lectorat qui va aussi s'homogénéiser et lire souvent les mêmes choses, puisque ces romans sont traduits, et sont traduits assez rapidement en fait, d'un pays à l'autre. D'une certaine façon, il y a une forme d'homogénéité culturelle de l'Europe qui se joue bien avant une Europe politique et qui passe par la fiction et notamment par la fiction populaire. Donc oui, c'est une forme d'âge d'or en fait, hein, ces années 1880-1890 qui continuent jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Âge d'or aussi pour l'imprimé qui règne vraiment en maître sur ce nouveau régime culturel qu'est la culture médiatique. Les choses se compliquent un petit peu après, puisque le cinéma va aussi prendre le pas, en mobilisant d'ailleurs hein, le vaste la masse en fait de ces romans pour les adapter, et l'imprimerie prendra une place différente dans la culture de masse. Eh bien justement, arrêtons-nous à la veille de la Première Guerre mondiale, quand le roman populaire connaît un immense succès, parce que c'est sûr que la décision de mettre en place une chambre syndicale des librairies de France en 1892 est un moment phare, mais les choses sociales changent plus lentement. Et Gaston Deschamps, écrivain, journaliste, s'en prend avec virulence dans le journal Le Temps en 1911, aux libraires, oui, mais pas n'importe lesquels, aux libraires illettrés. C'est une lecture de Daniel Königsberg. Les libraires, en effet, font le désespoir des éditeurs et des auteurs par leur incompétence navrante. Ils ne savent pas leur métier, ils ne lisent rien. Ils ignorent surtout la loi de l'offre et de la demande. Absolument dénués de la plus élémentaire notion de bibliographie contemporaine, tout à fait incapables de donner le moindre renseignement à l'acheteur curieux, ils étonnent leurs clients par l'étrangeté imprévue, saugrenue, effarante de leurs réponses. La profondeur de leur ignorance est insondable. Les noms des plus célèbres écrivains ne leur disent rien, ou, si par hasard, ils en ont ouï parler, ils les ravalent au niveau des plus négligeables scribes. Point de différence à leurs yeux entre une œuvre mémorable et les plus insipides productions. De cette confusion incessante résulte, pour les lettrés, pour les littérateurs, pour toute la confrérie des gens de lettres, un dommage permanent. Eh bien voilà, ça c'était pour les libraires de 1911. En tout cas, certains libraires, Daniel Königsberg était Gaston Deschamps, écrivain, journaliste. Patricia Sorel, nous avons des représentations parce que nous avons comme repère notre monde contemporain qui doivent être cassés pour les libraires du passé, au sens où le monde de la librairie n'était pas le même. Je pense tout simplement au prix, le prix du livre que nous connaissons unique hein, depuis la loi Lang de 1981. C'était pas le cas à l'époque. Les livres pouvaient prendre des prix divers. Donc ce monde de la librairie du début du XXe siècle n'est pas celui de nos jours. Ah non, non, pas du tout. Alors, en fait, au XIXe siècle, il n'y a pas de prix marqué sur les livres. Hein. C'est donc, enfin, l'éditeur vend un ouvrage à un libraire et en lui accordant une remise plus ou moins importante. Et donc, c'est sur cette remise que le libraire fera sa marge bénéficiaire. Et différentes pratiques en fait de vente se développent au XIXe siècle. Par exemple, eh bien, on voit apparaître à la fin du XIXe siècle l'envoi d'office des nouveautés, hein, qui se généralise peu à peu. Et également, eh bien, il y a également certaines pratiques de vente comme ce qu'on appelait le 13 pour 12. Un libraire qui commandait 12 exemplaires à un éditeur avait le 13e gratuit. Hein. Et également, eh bien, on voit se développer à la fin du 19e siècle des gros rabais sur les commandes de livres. Donc à une époque où se développent les grandes librairies et aussi les grands magasins. Hein, les grands magasins qui vont être d'autres concurrents pour les libraires à partir des années 1880. Eh bien justement, pour illustrer ce succès des ventes, nous allons évoquer le gros succès de ces années 1910. Ce gros succès, c'est Fantômas, que vous connaissez bien, Loïc Artiaga. Écoutez, Fantômas qui nous est lu, alors là, par un acteur de renom, c'est Pierre Brasseur. Ils étaient aussi gourmets que gourmet, le monsieur et la dame. La première fois que le chef des cuisines vint, un bonnet à la main, leur dire « Excusez-moi, est-ce que monsieur et madame sont contents ?» On lui répondit « Nous vous le ferons savoir par le maître d'hôtel. » La seconde fois, ils ne répondirent pas. La troisième fois, ils songèrent à le mettre dehors. Mais ils ne purent s'y résoudre, car c'était un chef unique. La quatrième fois, mon Dieu, ils habitaient aux portes de Paris, ils étaient seuls toujours, ils s'ennuyaient tant. La quatrième fois, ils commencèrent. La sauce au capre était patente, mais le canapé de la perdrix était un peu dur. On en arriva à parler sport, politique, religion. C'est ce que voulait le chef des cuisines, qui n'était autre que Fantômas. Et là, nous avons des frissons quand Pierre Brasseur évoque Fantômas. Loïc Artiaga, vous êtes l'auteur avec Fabien Archambault de Fantômas, biographie d'un criminel imaginaire. Ce Fantômas est un personnage exceptionnel, décliné d'ailleurs, nous le savons bien, avec des films plus tardifs, avec Louis de Funès, décliné de toutes les manières. Fantômas a fasciné ses contemporains. Oui, alors je corrige, hein, c'est avec Mathieu Letourneau que j'ai écrit Fantômas et pas avec Fabien Archambault avec qui j'ai écrit plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on a ouvert à nouveau frais ce dossier Fantômas avec Mathieu, qui est vraiment le roman populaire paradigmatique en fait de la Belle Époque, à la fois par son succès assez incroyable, mais aussi par la façon dont il a été produit. C'est vraiment typique d'une littérature fabriquée par contrat. C'est d'abord un contrat, en fait, Fantômas, hein, entre des auteurs et un éditeur, Artem Fayard, qui commande un certain nombre de volumes, une périodicité aussi, un volume par mois. Alors imaginez les techniques d'écriture qui ont dû être déployées par les auteurs pour réussir ce tour de force, et la production, au final, de 32 volumes entre 1911 et 1913, c'est absolument considérable. Et ça rend d'ailleurs aujourd'hui une partie du roman absolument illisible, il faut quand même aussi le reconnaître. Et ce succès très vite migre vers d'autres supports. Il y a l'adaptation au cinéma par Feuillade, et Fantômas continuera à occuper le haut de l'affiche pendant des décennies, puisqu'il y a les adaptations très célèbres des années 1960 et encore aujourd'hui un certain nombre de projets de réadaptation. En fait, ce qu'on voit à travers Fantômas, c'est finalement ce qu'on a pu mesurer déjà avec Alexandre Dumas, avec Eugène Sue, des œuvres qui sont écrites dans les années 1840 déjà, et qui créent une forme de nouveau panthéon littéraire national, un panthéon littéraire cette fois-ci plus populaire, où la question de la forme initiale est peut-être moins importante, puisque quand ces œuvres sont reprises, quand elles sont réadaptées, elles diffèrent de l'œuvre d'origine. C'est l'inverse de ce qui se joue pour les chefs-d'œuvre consacrés, où on ne touche pas au texte originel. Là, on a affaire à des formes populaires qui s'adaptent en fait au contexte, qui sont réécrites, recoupées, rediffusées, et qui, si elles ne s'adaptent pas, meurent en fait. C'est le destin tragique de ces fictions populaires. Le destin tragique de ces fictions populaires et leur succès incroyable, parce que dans nos mémoires encore, ces ouvrages sont présents avec une vraie incidence sur la manière d'écrire. Le roman populaire, par cette volonté de tenir le lecteur, a transformé aussi la manière de proposer des ouvrages. Oui. C'est une nouvelle façon d'écrire. Alors, c'est compliqué de définir ce qu'est le roman populaire, parce qu'en fait, il bouge. Le roman populaire de 1830 n'est pas tout à fait le même que celui de la fin du 19e siècle. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a affaire à des œuvres qui privilégient le récit. Ça, c'est peut-être le trait le plus commun. Et on a affaire assez rapidement aussi à ce qu'on pourrait appeler des œuvres mondes, autrement dit des œuvres dans lesquelles les lecteurs peuvent se plonger totalement, jouant l'illusion référentielle, autrement dit oubliant un peu le réel qui l'entoure. Et ce sont souvent aussi des œuvres qui savent très bien jouer avec les fantasmes d'une époque. On peut pas comprendre tout le succès des Mystères de Paris, et puis au-delà des Mystères de Paris, de l'ensemble des mystères urbains qui vont se développer dans les années 1840 partout à travers le monde. Ce sont des succès incroyables en Europe, en Amérique latine, si on ne comprend pas la fascination un peu perverse qu'exerce dans les années 1840 l'univers urbain. Donc il y a à la fois un jeu avec la création d'univers qui sont parfois des univers totalement délirants, et Fantômas en est vraiment un parfait exemple, et c'est pour ça qu'il plaira aux surréalistes, et dans le même temps une capacité à resémantiser une partie des peurs contemporaines et à jouer avec elles. Et puis, quand il est question de ces ouvrages, bien sûr, il y a toujours ce lieu qui nous passionne, qui nous intéresse, celui de la librairie. Patricia Sorel, sur un regard que vous portez au 19e siècle, au 20e siècle, sur le nombre de librairies, nous sommes sur un phénomène qui va sans cesse en s'accroissant, ou c'est un monde qui évolue selon les crises sans cesse? Alors, il y a eu des crises, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une crise qui a touché l'ensemble du monde du livre à la fin du 19e siècle, et là, à la fin 19e, début 20e siècle, on assiste à la disparition de nombreuses librairies. Ce sont plus de 2000 librairies qui disparaissent entre 1880 et 1910. En 1880, il y avait à peu près 7000 librairies, il y en a plus que 5000 en 1910. Donc il y a eu des périodes de crise. Alors, pour le 19e siècle également, il y a aussi cette question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on appelle librairie ? Puisque moi, jusque-là, je vous ai parlé, je vous ai cité quelques grandes librairies, dans les villes de province ou à Paris. J'ai cité la librairie Flammarion, j'aurais pu également citer la librairie Nouvelle sur le boulevard des Italiens. Mais à côté de ces grandes librairies, il y a aussi des boutiques minuscules qui offrent seulement quelques centaines de volumes à leur clientèle et un assortiment qui se réduit essentiellement donc à quelques livres religieux et quelques manuels scolaires. Donc la librairie, c'est ça aussi, ça peut être un tout petit point de vente. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que ce petit libraire ne puisse pas vivre de la vente de livres, et donc dans ces petites librairies on trouve toutes sortes d'autres objets, on y vend de la papeterie, de la mercerie, des fournitures de bureaux, des instruments de marine dans les villes portuaires. Hein. Donc voilà, donc la librairie c'est un milieu très hétérogène. Hein, donc avec donc des librairies donc qui dont l'importance varie énormément d'une ville à l'autre ou d'un quartier à l'autre dans la même ville. Eh bien justement, je vous propose d'aller à la rencontre de Monsieur Bernard. Monsieur Bernard est libraire et il parlait en 1972 de son rapport avec les éditeurs. Monsieur Bernard, en tant que libraire, avez-vous des rapports avec les directeurs littéraires ? Eh bien, il se trouve que j'ai des rapports d'amitié avec l'un d'entre eux, peut-être avec deux d'entre eux, puisque j'en ai eu également plus ou moins avec le prédécesseur de celui-là, je veux dire Henri Bonnier. Mais en dehors de ce cas très précis, je n'ai pas de rapport avec les directeurs littéraires, et je dois pouvoir dire, ce ne sera pas original de la part d'un libraire, que dans la plupart des cas, je ne les connais pas. On ne les connaît pratiquement pas. Mais est-ce que ils ont quand même un rôle important à jouer en ce qui vous concerne ? Je pense qu'ils ont un rôle à jouer parce que, selon le directeur littéraire, ils ont l'influence qu'ils peuvent avoir sur la maison d'édition est certainement importante. Et un bon directeur littéraire peut changer une maison d'édition, ou tout au moins lui donner une certaine direction. La librairie est en rapport avec essentiellement le service commercial de l'éditeur, et tandis que le service production est une espèce de tour d'ivoire qui s'efforce, je crois, de ne pas avoir de rapport avec le vulgaire commercial. Voilà, en 1972, il était question de ces commerciaux, les représentants des maisons d'édition qui se rendent dans les librairies pour proposer les ouvrages au catalogue. Patricia Sorel, peut-on dire que nous assistons du 19e au 20e siècle à une autonomisation de ces différents métiers, l'imprimeur d'un côté, l'éditeur de l'autre et le libraire ? Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a une véritable autonomisation de ces différents métiers. Donc, on a parlé tout à l'heure hein, de la création de la Chambre syndicale des libraires de France en 1892. Et face à ces libraires qui s'organisent, eh bien, les éditeurs répondent à leur tour en créant leur propre syndicat quelques semaines plus tard seulement. Hein, et donc, est créé ainsi le syndicat des éditeurs. Et on peut dire que de la fin du XIXe siècle, hein, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, hein, les rapports entre libraires et éditeurs donc, vont être plus ou moins tendus. Hein, les syndicats des libraires jusqu'à la fin du XXe siècle hein, va porter des revendications qui vont en fait rester les mêmes. Hein. Les deux principaux chevaux de bataille pour les libraires, ça va être le prix du livre. Hein, donc le prix du livre, c'est un sujet hein, constant hein, chez les libraires, donc bien avant hein, l'adoption de la loi Lang, hein, le prix du livre, donc vraiment fixer un seuil au-dessous duquel le livre ne pourra pas être vendu. Et l'autre cheval de bataille des libraires, c'est la lutte contre la concurrence jugée déloyale des non-libraires. Hein. Et là, il y a des prises de bec, si je puis dire, avec les éditeurs, hein, parce que parmi les non libraires, il y a par exemple la presse périodique, hein, et donc Loïc pourra en parler, mais le développement des journaux à bon marché a entraîné la multiplication des dépositaires de presse qui vont se mettre à vendre des romans populaires, hein, et c'est un débouché intéressant pour les éditeurs. Puisque, eh bien, ces kiosques hein, sont disséminés sur tout le territoire, et pour les éditeurs, eh bien, cela leur permet d'atteindre une clientèle, d'ailleurs, qui ne fréquente pas les librairies traditionnelles. Et Patricia Sorel, eh bien, justement, ce que vous évoquez fait écho complètement à l'actualité, avec cette concurrence évidemment déloyale de ceux qui vendent, mais sur le net, évidemment, des livres et tout ce qui se vend, en fait, globalement, ça. Face aux spécialistes du livre, c'est la question qui se pose et c'est pourquoi il était intéressant de revenir aux origines de la librairie avec vous. Merci beaucoup Patricia Sorel. Je rappelle Napoléon et le livre, paru aux presses universitaires de Rennes. Un bon éditeur donc. Et merci beaucoup aussi à vous Loïc Artiaga. Et il est l'heure dans le cours de l'histoire de rejoindre Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors avec vous, c'est toujours Bamboula, Bamboche, Bringue, Nouba, mais aujourd'hui, c'est Chahut universitaire. La loi de programmation de la recherche, la LPPR, a fait l'objet de nombreuses objections et de débats avant son vote d'adoption le 9 novembre. Mais la dernière critique en date portait sur un ajout de dernière minute qui prévoit un délit d'entrave, passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Cette loi sanctionnerait tout individu présent au sein d'une université dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. La cible de fait de cette interdiction, les nombreux blocages de sites, répertoires d'actions traditionnelles, des protestations étudiantes. Une disposition qui a scandalisé à la veille de son vote et peut-être une transformation profonde de l'expérience universitaire où l'on acquiert des savoirs, mais où l'on côtoie aussi une vie politique effervescente, une interrogation de la société par ceux qui en seront les adultes citoyens, les électeurs, les travailleurs, les dirigeants. Si les attentes à l'endroit de l'université concernent la connaissance dans ces espaces informels, elles concernent tout autant l'acquisition d'un être au monde, ses pratiques et l'apprentissage de l'expression libre des opinions intellectuelles et politiques. Une nouvelle manifestation organisée pour protester contre la fermeture de la Sorbonne et les arrestations groupe 20 000 étudiants. Le défilé dans Paris dure 5 heures sans incident. Ce que l'on considère comme le chahut universitaire n'a-t-il pas à plusieurs reprises constitué un moteur de l'histoire ? On pense évidemment à mai 68, à ces grèves étudiantes, à ces assemblées générales fondatrices qui ont largement contribué aux côtés des mouvements ouvriers à faire accepter les changements qui ne pouvaient plus attendre. Mais bien avant cet événement, ce qui est souvent considéré négativement comme l'indiscipline universitaire a fait partie intégrante de l'histoire de l'université et de ceux qui la fréquentent. En 2018, la plateforme Actuel Moyen-Âge, sous la plume de Florian Besson, réagissait à la violence de la répression d'une occupation étudiante au sein de l'université de Montpellier, en rappelant les acquis en matière de liberté universitaire au moment de la fondation de l'institution. Le principe essentiel tenait alors à la protection des étudiants et des professeurs pour assurer l'indépendance de la recherche et la soustraire au pouvoir politique. Des acquis qui permettent encore aujourd'hui de forger les questions qui guident l'avancée de la connaissance en dehors de tout agenda politique ou des orientations utilitaristes d'un gouvernement. Les étudiants médiévaux, tapageurs et critiques, interrogeaient déjà les règles du monde social. L'héritage qui persiste est très contesté. Les universités jouissent d'une franchise obtenue en 1253 qui permet de garantir la liberté d'opinion et l'indépendance des facultés. Et au fil des années, il a été repris sans être modifié, comme dans la loi Savary de 1984 ou encore dans la loi Pécresse d'août 2007. Un droit qui interdit aux forces de police de pénétrer à l'intérieur d'un campus, sauf à la demande expresse du président ou de la présidente de l'université, ou encore en cas de catastrophe. C'est ce droit à l'interpellation de la société qui est aujourd'hui remis en cause par les applications possibles de ce délit d'entrave au sein du lieu où elle s'exprime librement, l'institution protectrice et le lieu de vie et de société de l'université, l'espace de formation des citoyens qui interrogent la société dans laquelle ils ne s'apprêtent pas à vivre, mais dans laquelle ils vivent d'ores et déjà. Merci beaucoup Anaïs Kien pour ce rappel. Merci à toute l'équipe du cours de l'histoire, une émission à écouter et réécouter sur le site franceculture.fr et l'application Radio France. Demain, le livre, c'est dans la poche.